sans cesse à la recherche du fond. Toujours repris pour te faire danser, on passe à l'action. Y'a que nos voix résonnent et qu'elles attirent l'attention, sans jamais oublier que le mot d'ordre c'est la passion. Y'a, on veut la forme sans cesse à la recherche du fond. Toujours repris pour te faire danser, on passe à l'action. Y'a que nos voix résonnent et qu'elles attirent l'attention, sans jamais oublier que le mot d'ordre c'est la passion. Y'a, on a la forme poteau, fait péter les sommes poteau. Ceux qui n'ont pas cru en nous se bouffent la main jusqu'aux os. Fallait que ça paye, ben ouais, que des bons conseils fallait. Qu'on puisse continuer à faire du gros son, c'est chaud. Okay. J'suis dans les cordes, ben ouais, tu m'étonnes qu'on donnera tout. J'ai tout misé sur la musique, la rage comme à tout. J'défonce les portes, j'suis dans le décor, succès à ma portée. Je remercierai ceux qui ont fait l'effort, ceux qui m'ont supporté. J'oublierai jamais ceux qui m'ont porté, toujours à mes côtés. Okay. Toujours à mes côtés, yeah. Vrai, plus vrai, tu peux pas. J'suis pas chanteur, j'suis pas pam. Tu peux viser tant que tu veux, l'impression ne m'atteint pas. On se retrouve au départ, toi tu crois arriver. Ne fais pas trop le mec, tu sais pas ce qui peut t'arriver. On veut la forme poteau, fais péter les sommes poteau. On veut la forme sans cesse à la recherche du fond. Toujours repris pour te faire danser, on passe à l'action. Y'a que nos voix résonnent et qu'elles attirent l'attention, sans jamais oublier que le mot d'ordre c'est la passion. Y'a, on veut la forme sans cesse à la recherche du fond. Toujours repris pour te faire danser, on passe à l'action. Y'a que nos voix résonnent et qu'elles attirent l'attention, sans jamais oublier que le mot d'ordre c'est la passion. Y'a, original Sun Soldia, venu pour mettre le faya. Tu veux tester l'équipe, t'es fou, impossible, on laissera nada. Sobada, on est trop chaud pour une saga. Poste de baisser comme des padas, trop de termes en avant, c'est saga. Boya, vous le mot d'ordre, c'est la passion, c'est le moteur de nos actions. Nous guide dans la bonne direction, partager nos émotions, mais des bonnes vibrations. Puis donner de la pince, lui donner de la pince. On tente de trouver la bonne recette, c'est pour cela que l'on s'entête. On veut la pomme sur tout le pont, oublie les strass et les paillettes. Je veux voir bouger les têtes, que tout le monde soit à la fête. Que tous ces moments passés restent gravés dans vos têtes. Si l'ambiance est bonne, mais que l'on donne le meilleur de nous-mêmes, en studio comme sur la scène. Quand les mots résonnent, nous qu'ils détonnent et tout s'enchaîne. On récolte ce que l'on sème là. On veut la forme sans cesse à la recherche du fond. Toujours repris pour te faire danser, on passe à l'action. Y'a que nos voix résonnent et qu'elles attirent l'attention, sans jamais oublier que le mot d'ordre c'est la passion. Y'a, on veut la forme sans cesse à la recherche du fond. Toujours repris pour te faire danser, on passe à l'action. Y'a que nos voix résonnent et qu'elles attirent l'attention, sans jamais oublier que le mot d'ordre c'est la passion. Y'a,